vous écoutez l'édition du 24 juillet 2019 d'Ave Pandore sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Ici Audrey Gossin-Pellerin à l'animation. Marianne Théberge est avec nous en studio et Laurence Morin est aux commandes de la console ce soir. À travers cette émission féministe, on vous propose de porter un regard réflexif et intersectionnel sur différents enjeux, de mettre l'avant des pistes d'action féministes et d'offrir un espace de parole à d'autres féministes afin qu'elles puissent partager leurs savoirs et leurs expériences. Ève et Pandore est produite à Montréal, en territoire Mohawk non cédé. Il est un peu plus de 18h et on entame une émission thématique sur un sujet bien particulier, à la fois quotidien et tabou. Soyez prévenus, les propos et le vocabulaire utilisés seront explicites et peuvent être considérés crus ou vulgaires. Aujourd'hui, on parle du corps féminin occulté, ce corps qu'on mystifie, qu'on objectifie, qu'on masque, sans cesse rattrapé par ses fonctionnalités primaires et les déchets qu'il crée. On consacre l'émission entière à la souillure et au bas du corps féminin et ça commence maintenant. On entend notre thème, la pièce Incendie de Julia Jean-Baptiste, mais je vous rappelle qu'Ave Pandore est aussi disponible en balado-diffusion. Vous y retrouverez plusieurs entrevues et reportages, notamment lors de notre dernière émission, on a parlé avec les femmes qui ont créé le livre Corps à corps, le guide de sexualité positive. On a aussi parlé de harcèlement de rue. Sinon, vous y retrouverez aussi des reportages sur le disempowerment masculin, les violences obstétricales et la pratique du métier de sage-femme. Vous pouvez trouver et vous abonner dans n'importe quelle application de podcast pour ne rien manquer de nos prochains épisodes. Con la mano para arriba. Wow, wow. Esto es el Cypher Effect. Rebecca Lane está en la casa. Esas manos en el aire. Bra. Esta pausa, este tiempo, este espacio. Días grises en el calendario. Las únicas noticias son de películas ridículas. Disyuntiva a destruir a la rutina. Desde temprano intento levantarme. Si no hay desayuno, entonces ayunar es el vacío que solo llena la música. La única esdrújula en mi vida diacrítica. Naufragando en el medio de la cama. Abrazando una almohada sin encontrar una sábana que cubra esta desnudez hecha de dudas. Mejor lápiz y papel y una instrumental del chess, porque cuando escribo yo me siento libre. La depresión disminuye de calibre. No hay mejor sensación que una canción cantada a pulmón con la ayuda de ustedes. Cuando subo a la tarima yo me siento una reina y quiero ver a todas con la mano para arriba. Si te gusta lo que miras y lo que mi boca rima, quiero ver a todos con la mano para arriba. Si la tira te la estira y en la esquina la esquivas, quiero ver a todas con la mano para arriba. La tierra a la campesina, el poder a la vecina. Quiero ver a todos. Ayer fui a buscar trabajo y cuando me preguntaron qué hacía, yo les dije que escribía. Pusieron cara de pena, me pusieron a la espera. Señorita, la llamamos otro día. Igual solicitaría que se cubran los tatuajes. No, señor, eso no lo permitiría. No se da cuenta que en mi piel yo llevo arte. Lo sentimos, señorita, reglas de la compañía. Prefiero hacer aviones de papel con poesía. Salir a la calle a transarlos por comida. Tortilla, no hace falta en mi cocina todavía. No tengo vergüenza de ser yo su señoría. No seguiré sus reglas de porquería. No soy normal y tampoco lo intentaría. Mi rutina no es monotonía. Fluyo como el agua o si no me moriría. Cuando subo a la tarima yo me siento una reina y quiero ver a todas con la mano para arriba. Si te gusta lo que miras y lo que mi boca rima, quiero ver a todos con la mano para arriba. Si la tira te la estira y en la esquina la esquivas, quiero ver a todas con la mano para arriba. La tierra, la campesina, el poder a la vecina. Quiero ver a Centroamérica. Bra. Con la mano para arriba. Vous venez d'entendre la chanson « Mano Arriba » de Rebecca Lane sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Plus tard dans l'émission, nous vous présenterons un vox pop sur le rapport de quelques femmes avec leur souillure. Mais tout d'abord, Marianne s'entretient avec Cato Fortin, qui est autrice et chercheuse, sur sa démarche d'exploration du bas du corps féminin. On est vraiment privilégié puisque Cato lira aussi en direct un extrait de son projet « La chienne de Pavlov ». Cato Fortin, elle est diplômée en scénarisation et en études littéraires à l'UQAM, où elle termine une maîtrise en recherche-création sous la direction de Laurie Saint-Martin. Elle s'intéresse au processus de réappropriation politique des blâmes, des insultes et des injonctions à la féminité par les communautés féministes. Cato se revendique d'une vulgarité ludique et solidaire. J'ai bien hâte d'en entendre un peu plus parler là-dessus. À toi, Marianne. Merci, Audrey. Bonjour, Cato. Bonjour, Marianne. Ben merci d'être présente à Ève et Pandore ce soir. Ça fait quelques semaines déjà qu'on est en contact avec toi, puis on avait vraiment très hâte de pouvoir profiter de ton expertise, puis aussi, bien sûr, ben, d'en connaître plus sur ton projet et ta démarche d'écriture. Dans le cadre de ton mémoire de recherche-création, bon, t'écris un récit littéraire qui s'appelle « La chienne de Pavlov ». Ce projet-là traite du bas du corps féminin. Est-ce que tu peux préciser ce que tu entends exactement par bas du corps féminin? Qu'est-ce que ça recouvre? Bon, en fait, c'est très littéral, là. Fait que c'est tout ce qui va se passer en dessous de la ceinture, que ce soit des actes. Fait que on peut penser à la copulation, à la masturbation, à la miction, puis en fait, aux produits de ces actes-là. Fait que les produits, les résidus conceptionnels, les menstruations, l'urine, la glaire, toutes ces choses-là. D'accord. Ben merci pour ton énumération exhaustive. et puis, comment est-ce que tu as décidé de traiter de cette question-là du bas du corps féminin? Pourquoi c'est important pour toi de le faire? Parce que je me suis rendu compte, ben, assez naturellement, là, comme la plupart d'entre nous, qu'on pouvait pas en parler aussi librement. Puis surtout qu'on pouvait pas en parler avec le même plaisir. Je me rappelle de la première fois où je me suis dit, ah, ben ça, je pourrais pas le faire, tu sais, parce que je suis une femme. C'était un gars qui sort d'une toilette au secondaire. Puis tout son hilar, puis là, ils vont voir un autre de leurs compagnons, puis il leur dit regardez, ça, c'est l'étron de tel autre gars. Puis ce gars-là était connu pour être super petit, puis son étron était immense. Puis tu sais, tous ces gars-là célébraient l'immense étron de leur ami. Puis c'était tellement un plaisir simple. Donc moi j'étais privée, tu sais, parce que si je l'avais fait, j'aurais été dégueulasse, j'aurais été décalée. T'aurais été la fille qui monte son étron. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Fait que c'est un des moments là où je me suis dit, mais c'est pas possible pour moi, puis pourquoi? Puis après ça, bon, il y a aussi des enjeux de santé, tu sais. On parle pas de nos déjections, puis mettons surtout les déjections menstruelles ou vaginales, qui sont vraiment des indicateurs importants au niveau de la santé. Puis le fait qu'on n'en parle pas, ben ça fait que tout est normal, tout est à la fois normal et anormal. On sait pas quand est-ce qu'on doit aller consulter. On sait pas. On pense qu'on est plus sale que les autres, alors que ben c'est pas le cas. Fait qu'il y a un enjeu de santé publique aussi, là. C'est un enjeu politique et personnel, puis un droit que j'ai envie de revendiquer, puis une fête que j'ai envie d'avoir, là, avec mes amis. Ben, je comprends. Puis pourquoi est-ce que tu as choisi la fiction pour discuter de cet enjeu-là, justement? Qu'est-ce que la fiction permet qu'un autre médium ne te permettrait pas, par exemple? Mais c'est ça. La fiction, ça permet, tu sais, si on va dans une perspective dialogique, là, ça va permettre de rapporter des discours de plusieurs points de vue puis de plusieurs personnages différents. Puis c'est aussi, moi, je m'intéresse, je veux tendre, passer du jeu à un nous hétérogène, fait que montrer comment on peut être solidaire, pluriel, mais aussi être des entités très différentes les unes des autres, puis se solidariser. Malgré ou avec ces différences-là. Puis je pense aussi que ça amène un petit recul, la fiction. Tu sais, tu dis, ah, c'est peut-être pas vrai ou c'est peut-être pas ce que l'autrice a vécu. Fait que c'est plus facile de s'y pencher que de lire un statut Facebook, peut-être que de lire un article scientifique aussi, là. Ça... Puis la fiction permet aussi beaucoup d'humour. Fait que l'humour, c'est vraiment quelque chose qui va... qui va désacraliser ces choses-là, ça sera plus nécessairement tabou, ça va être oui tabou, mais tu vas rire en même temps, même si tu ris jaune, ben tu ris, puis l'information est disséminée à travers autre chose. Ouais, c'est intéressant. Puis Ben justement, moi j'ai eu la chance de lire dans le cadre de la préparation de l'émission une communication que tu as fait dans le cadre d'une conférence organisée par le laboratoire Ciel, culture, identité et langue de l'UQAM. Puis tu traitais aussi beaucoup, en fait, dans cette communication-là, tu essaies d'aborder l'abjection féminine avec, moi je trouve, avec éloquence, mais tu y mettais aussi beaucoup d'humour. C'est quoi la place de l'humour quand on souhaite discuter de souillure précisément, puis de bas du corps féminin? Oui, bien, l'humour, ça va vraiment... c'est un effet d'équilibre. C'est pour balancer, parce que dans cette communication-là en particulier, je citais « Zone humide », qui est un roman de Charlotte Roche. C'est un livre là, que ça a été un best-seller qui s'est vendu... il y a eu des milliers et des milliers de copies de vendues. C'est aussi un livre très difficile qui va très, très loin dans l'abjection. Moi, ce que je fais à côté, là, c'est du petit beurre, là, c'est rien. Puis je pense que c'est plus facile de se rendre compte avec l'humour que ça désamorce, mais aussi, après ça, tu ris avec les personnes que tu as rendues mal à l'aise. Fait que ça va créer du lien, ça crée de la familiarité. Puis tout d'un coup, parce que tu l'as traité avec humour, mais tu rends compte du malaise. Tu sais, tu l'ignores pas. Tu dis, OK, on va traverser ce malaise-là, tous et toutes ensemble. Puis je pense que c'est ça qui fait que c'est bien reçu. Parce que si je prenais pas en considération que, ben moi, je peux être mal à l'aise ou que les personnes autour de moi peuvent être mal à l'aise, ben là, ça serait vraiment beaucoup, beaucoup plus difficile. OK, ça rend le sujet plus digeste aussi, puis... Oui. Là, si on veut rester dans le bas corporel, oui, ça rend ça plus digeste. Excellent. Puis justement, parle-nous un peu de ton projet d'écriture, La chaîne de Pavlov. Qu'est-ce que ça raconte? C'est quoi l'histoire? C'est une personne qui se rend compte, mais qui accompagne sa grand-mère dans la mort, puis qui se rend compte que sa grand-mère était une cam girl. C'est aussi sa relation avec son corps, puis sa relation avec le corps des autres. L'idée de la grand-mère, ben ça m'est venu d'un épisode de Parks and Rec. Puis après ça, j'ai délire là-dessus, là. C'est où on mentionnait qu'il y avait beaucoup d'épidémies d'infections puis de maladies transmises sexuellement et par le sang chez les personnes âgées dans la ville de Pawnee, qui est une ville fictive, et que les personnes âgées avaient besoin d'une éducation à la sexualité, mais qu'on leur niait ça. Puis après ça, j'ai beaucoup lu là-dessus, tu sais, sur comment aussi on donne pas le droit aux personnes âgées d'avoir une intimité dans les CHSLD. Il y a rien qui est fait pour les aider à continuer à vivre leur intimité, là, que ce soit seul ou en compagnie. Fait que c'est ça. J'ai trouvé ça super cocasse, mais aussi intéressant, puis après ça, un peu dramatique. Oui, puis c'est un sujet qui est peu exploré, qui est peu discuté, j'imagine aussi dans le monde littéraire général. Puis pourquoi tu as choisi ce titre-là? Qu'est-ce que tu souhaitais évoquer avec le titre « La chaîne de Pavlov » Ok, ça c'est un fun, un peu. Dans le fond, « La chaîne de Pavlov », c'est le nom de Cam Girl, de la grand-mère. Puis, c'est une sexagénaire, tu sais, fait qu'elle vit avec de la sécheresse vaginale. Puis, elle a travaillé le réflexe conditionné, tu sais, qu'on a appris avec Pavlov. Mm-hmm. Fait que Pavlov, il allume la lumière quand il donne de la nourriture à son chien, puis... après quelques répétitions, mais son chien commence à saliver dès que la lumière s'allume. Ben là, la grand-mère, à chaque fois qu'elle se masturbe, ben tu sais, elle va, je sais pas ça va être quoi encore son trigger là, mais donc elle se trigger, puis elle va se conditionner à mouiller plus facilement. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme son, c'est la chaîne de Pavlov. C'est ça. Son, ok, excellent. Oui, pour combattre la sécheresse vaginale chez les sexagénaires. Ben merci, on est chanceux d'avoir eu ce petit scoop-là. Tu as déjà eu quelques occasions de partager ton travail et ta démarche. Tu parles de déchets corporels, de parties du corps féminin dont on discute très peu, et tu le fais avec une intensité aussi qui est assez remarquable, qui est assez rare. Quelle réaction est-ce que tu as reçue jusqu'à présent quand tu as partagé ton travail? C'est des réactions super positives la plupart du temps. Puis au bout là, on dit corps féminin, là, mais... je travaille à une inclusivité, là, fait que c'est sûr que c'est souvent le body corps féminin qui est le plus tabou, mais tu sais, on parle aussi du corps des personnes trans, puis des corps des personnes intersexes, là, qui sont encore plus marginalisés que les femmes cis. Mais pour en venir aux réactions, là, souvent, c'est super positif, puis ce qui arrive souvent, c'est qu'on va venir me raconter des anecdotes après. On va venir m'en parler. Fait que j'ai des anecdotes complètement absurdes sur plein de personnes que je connais à peine ou que j'ai appris à connaître grâce à ces anecdotes-là. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est, dans le fond, ce sujet-là est vecteur de familiarité. Hmm. Fait que je crée des liens intenses, même si c'est de courte durée, avec des gens que je connais à peine parce qu'on va me confier des choses, parce qu'on sait que je suis ouverte à ça, puis parce qu'on sait qu'on peut en rire ensemble. Fait que je pense que c'est un des plus gros avantages de mon travail. Ouais, quand même. Ouais. Puis, est-ce que la réaction des hommes est différente de celle des femmes et des personnes non-binaires? Oui. La plupart du temps, les hommes vont juste faire « Hey, je savais pas ça ». Ou, tu sais, ils vont le prendre vraiment... ils peuvent ne pas être intéressés aussi, ou dire « Ah, mais à quoi ça sert de voir cet aspect-là? À quoi ça sert de parler du vomi du côté des femmes? Qu'est-ce que ça apporte de plus, que ce soit une femme ou un homme qui vomit? » Selon moi, ces hommes-là sont un peu... C'est un peu peine perdue, j'ai l'impression, là. Mais il y en a aussi qui vont prendre des notes parce qu'on a, j'apprends. C'est pas je suis rassurée, c'est pas je vis des choses semblables, c'est vraiment j'apprends. Je savais pas que le corps féminin ou que les corps pouvaient fonctionner de telle ou telle façon. Je savais pas que vous pouviez vivre telle ou telle oppression. Là. Okay. Fait que c'est en plus didactique, j'ai l'impression. Ouais. Peut-être choquée aussi, là, mais j'ai probablement plein de réactions qui restent. Qui passe sous silence. Ouais, des gens qui vont pas nécessairement s'exprimer à toi de ce qu'ils ressentent. Ou qui manquent d'intérêt, tu sais, puis c'est correct, là, si on n'a pas l'intérêt. Puis t'as une écriture qui est très imagée, tu écris au jeu, c'est-à-dire que la narratrice est le personnage principal, elle se raconte, mais on s'entend, tout ça c'est fictionnel. Est-ce que ça arrive que certaines personnes qui sont en contact avec ton travail croient que c'est de toi qu'on discute dans ton œuvre? Oui. J'ai déjà eu le commentaire, là, après une lecture où la personne me dit « Ah, tu te mets vraiment en jeu, c'est vraiment beau, c'est vraiment touchant. » Puis j'étais un peu mitigée par cette réaction-là, comme j'avais vraiment pas l'impression de me mettre en jeu. Tu sais, à ce moment-là, c'était un texte qui détaillait des sécrétions vaginales. Mais tu sais, je suis devenue quasiment une experte des sécrétions vaginales juste parce que je les ai geekées parce que je voulais tomber enceinte. Fait que j'ai fait plein de recherches sur les sécrétions vaginales. Puis tu sais, j'ai appris sur la glaire, sur le bouchon muqueux, sur la texture des sécrétions pendant l'ovulation. Tu sais, puis je les détaillais. Puis c'est des réalités vécues par des millions, des milliards de personnes sur Terre. Pour moi, c'était absolument pas personnel de dire que ben, j'avais peut-être aperçu ça dans ma culotte à un moment donné. Tu sais. Mais pour cette personne-là, comme ça parlait du corps, ça parlait de moi. Mm. Mais c'est une confusion qui est assez courante là, chez... pour les femmes là, qui écrivent, là, surtout ouais. Si on écrit aux jeunes. OK. Puis les mots, ton écriture, les mots que tu emploies, leur caractère explicite en ce qui a trait aux excrétions corporelles, puis aux ondes reproductives du corps féminin, ou en tout cas des corps qui ne sont pas les corps des hommes cis, pourraient être qualifiés d'assez trash, d'assez cru. Qu'est-ce que ça apporte à la démarche? Puis est-ce que des propos similaires nous apparaîtraient aussi crus s'ils concernaient le corps des hommes? Oui, absolument pas. Mais, tu sais, l'exemple des étrons tantôt est assez éloquent. Tu sais, puis on sait tous et toutes à peu près de quoi est constitué le sperme. Tu sais, on en sait beaucoup sur les mécanismes des appareils reproducteurs masculins. Mais du côté des femmes, ça va être plus du côté du mystère. Tu sais. On va tout ranger les sécrétions vaginales sous ce terme-là, sécrétion vaginale. Tu sais, il y a pas d'échelle, on peut pas, c'est pas quelque chose qui est tangible, t'sais, on va mettre ça dans le mystère. Là je me rappelle pas du début de ta question, c'était moi, j'avais deux questions en une. Ma première question c'était qu'est-ce que ça apporte à la démarche, puis est-ce que dans le fond, qu'est-ce que ça apporte à la démarche là que tu utilises un caractère explicite finalement? Mais c'est ça, c'est de nommer les choses. Fait que t'sais, ça a un point de vue quasiment didactique. Fait que c'est... Il faut nommer ces choses-là pour les connaître. On les nomme aussi pour un peu se désensibiliser. T'sais. Plus on connaît quelque chose, moins on trouve ça dégueulasse. Puis moins on trouve ça dégueulasse, plus on va être porté à en parler. Il va y avoir moins de honte, moins de stigmatisation. Puis ça, ben, c'est mieux pour tout le monde. C'est pas juste mieux, je suis moins gênée, t'sais. C'est mieux pour ta santé sexuelle, c'est mieux pour la communication. C'est mieux aussi pour passer d'objet sexuel à sujet. Mm-hmm. T'sais, c'est plus juste mon corps est un mystère, puis il va rester comme ça. C'est mon corps est merveilleux, oui, mais il est fonctionnel. Il est pas juste sexuel. Mm-hmm. Tout à fait. Fait que c'est comme cette tension-là entre fonctionnalité puis sexualité qui est souvent effacée. Puis j'essaie de montrer qu'un corps peut être à la fois fonctionnel et sexuel. Parce que les hommes ont le droit de vivre ça. Ouais. Mais tu le revendiques finalement dans ta démarche. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis dans le partage de l'expérience, là, c'est central à ma démarche. Puis en fait, tu es autrice, mais ta démarche, on l'a mentionné, s'inscrit aussi dans un contexte académique. Ouais. T'as donc été amenée à lire, j'imagine, bon, plusieurs œuvres, à les analyser, à les critiquer. C'est une démarche qui, à mon sens, en fait, peut pas se faire sans s'investir énormément. Est-ce que c'est une démarche qui a eu et qui a un impact aussi sur ta vie personnelle? Oui, oui, absolument, absolument. C'est dans ma vie de tous les jours, ben maintenant, je connais super bien mon corps, là. Je sais absolument pas tout ce qui se passe, là. Mais je comprends tellement plus de choses. C'est beaucoup plus facile aussi dans l'éducation avec mes enfants. Je suis moins gênée de parler des choses. Je peux parler... Je nomme les... Mm-hmm. Je nomme les manifestations. Puis ça... Je pense que je me sens vraiment mieux. Puis je crée des liens de solidarité avec des personnes. Je sens aussi que... un aspect très pragmatique à ma recherche, tu sais, il y a un effet dans le quotidien ou dans la réception là, qui est là, puis qui me sert, puis qui me donne envie de continuer. Ah, je comprends. Ben, écoute, ben merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. Tu as aussi accepté de faire la lecture d'un extrait de ton projet La chienne de Pavlov, alors que, on l'a mentionné, c'est toujours en période d'écriture. C'est vraiment généreux de ta part. On se sent super privilégié. Merci beaucoup. Merci. Et puis, comme c'est ce qui va clore le segment, ben je précise tout de suite qu'on te retrouve, Cato Fortin, après le segment musique pour la seconde partie de l'émission où on va traiter plus largement de la souillure féminine. Aussi, je précise que l'extrait en question que tu vas lire est forgé dans un langage assez explicite. Ça a été un réel plaisir donc de t'entendre parler de ta démarche d'écriture. Puis sans plus tarder, ben voici un extrait de La chienne de Pavlov. Merci. Ça a été aussi publié cette partie-là, bon, en partie-là dans Fille vicieuse, dans le numéro Gérer le vide. C'est un collectif. C'est avec le collectif Fémicile, pardon. Fait que c'est sous le titre Félicieuse, dans le collectif Fémicile. J'y vais. Je me réveille au milieu de la nuit avec la peur de mourir. Je cours vers la salle de bain où la lumière vive me fait mal aux yeux. Je baisse ma culotte jusqu'à mes chevilles et cherche la cote de mon tampon. Je la trouve pas. Je ne parviens qu'à tirer des poils trempés de sang. Je pense au syndrome du choc toxique, à cette adolescente de 16 ans morte tout récemment. Je pense à cette mannequin à qui on a amputé une jambe. Je ne peux pas mourir comme ça. Ma mère m'avait averti. On meurt encore de menstruer. N'insère rien dans ton trou. J'ai pas écouté ma mère. J'ai inséré dans mon vagin, bien sûr, des tampons, mais aussi des œufs de jade, des boules chinoises, des doigts, un sachet de potes, des pénis, des dildos, des strapons, des amulettes, des spéculums, un crayon avec lequel je suis parvenue à écrire mon nom. Le goulot d'une bouteille de vin, des chaînes, une balle de ping-pong, une O. Henry. J'ai essayé de souffler les bougies du gâteau d'anniversaire de mes 30 ans avec mon vagin, mais je n'ai réussi qu'à me brûler une lèvre. Il a toujours été clair pour moi que je mourrais ivre dans un banc de neige. Je m'imagine parfois en talons hauts, rigide et souriante, avec un manteau absurde de fourrure rose. Je resterais figée pour toujours dans une élégance exubérante, les membres disposés gracieusement dans la neige par cette chute fatale. On me découvrirait au petit matin comme un trésor. Des villageois formeraient un cercle bienveillant autour de moi. On s'émouvrait de ma beauté et on se questionnerait sur la raison de ce rictus. Mon transport à la morgue serait retardé par l'attrait de ma dépouille. Toutes les filles vicieuses du village feraient un pèlerinage en semelles compensées pour venir me contempler. Elles auraient les genoux bleus à force d'être tombées sur la glace. Elles arriveraient en petits groupes en se serrant les coudes pour rester debout. L'une d'elles s'approcherait de mon corps et étalerait une généreuse couche de rouge à lèvres sur ma bouche mauve. Elles partiraient toutes ensemble boire un coup à ma santé. Elles iraient au bord du coin et en fouetteraient à la porte les habitués. Elles riraient jusqu'au petit matin et une fois bien au chaud dans leur lit, elles constateraient qu'elles avaient un peu moins peur de la mort. J'ai du sang plein les doigts. Je retrouverai jamais ce tampon. Je sens mon vagin s'assécher et se refermer sur ma main. Je me rappelle de l'avertissement de ma mère. Je vais mourir seule dans ma salle de bain. Quelqu'un, sans doute le pervers qui m'observe marcher jusqu'à ma voiture tous les matins, va me retrouver dans quelques jours. J'aurai déjà commencé à moisir, il y aura du sang partout, je me serai chiée dessus, j'aurai les yeux révulsés, les cheveux gras, le visage taché de mascara. Il vomira sur mon corps. Quand les pompiers arriveront, l'odeur du vomi camouflera à peine celle de la décomposition. Ils en feront des cauchemars pendant des années. Ils verront une photo de moi sur le réfrigérateur et ne me reconnaîtront pas. Je serai une carcasse repoussante. Le plus jeune d'entre eux devra sortir sur le balcon pour prendre l'air. Il pleurera et sera malade dans mon plant de tomates. J'ai les jambes qui commencent à flancher. Je suis en sueur. J'ouvre la fenêtre, je crie. J'appelle les filles vicieuses. Je les entends me répondre. Nous sommes des louves qui hurlons à la lune. J'écoute attentivement les dizaines de fermetures éclairs de bottes hautes qui remontent en même temps partout dans le village. J'entends le claquement des talons qui se rapprochent. Je sens le parfum de leurs fixatifs à cheveux, de leur crème de nuit, des doigts encore humides de celles qui se masturbaient. Elles arrivent en courant, elles me rejoignent. Elles se jettent à mes pieds. Je pose ma tête sur leurs genoux. Des caillots gros comme des rats courent de la salle de bain à la ruelle. Elles passent leurs doigts dans mes cheveux. Nous pataugeons toutes dans mon sang menstruel. Nous glissons et nous nous fracassons la mâchoire sur l'évier. Elles constatent l'imminence de ma mort. Je les supplie de m'y préparer, de me faire belle. Je veux que mon cadavre soit mémorable, magnifique. Je veux que ma salle de bain soit un tableau tragique et lumineux. Elles me déshabillent, me glissent jusqu'à la baignoire et font couler l'eau. L'une d'entre elles va chercher des coupes et sert du vin. Elle porte le verre à mes lèvres pendant que les autres me baignent. Nous sommes des dizaines dans le bain. Certaines sont encore habillées, d'autres nues. Elles m'enduisent de savon, lavent mes cheveux, les coupes se vident et se remplissent joyeusement. On m'en échappe sur le visage. Nous rions. Chaque rire m'élance et me donne envie de mourir, mais je suis hilare. Elles trouvent mon rasoir et entreprennent de me raser les jambes. Elles m'arrachent des lambeaux de chair. Une fille nue dérape et tombe sur ma tête. Sa vulve glisse sur mes cheveux et les enduit de glaire. Nous gloussons, nous nous crachons notre vin dans les yeux. Nous nous exfolions avec entrain jusqu'à la descamation de nos visages. Une fille m'allaite pendant qu'on lui épile les poils autour de l'anus. Nous nous passons la bande de cire et la regardons avec ravissement et satisfaction. Le cœur vide et la tête pleine, comme un escargot qui traîne sa carapace lourde. Un escargot, là, là, là, veut se protéger tellement qu'il trimballe sa peur comme un bagage. Elle t'a mise en quarantaine, c'est ta maladie. Celle de la peur. Ton corps comme un grain fossile de caresse et l'envie d'être ailleurs qu'ici. Il y a tant à voir, mais tu broies du noir et crains. Ces hommes bons qui te tomber chaque jour. Mais toutes leurs avances, indolentes, futiles, glissent sur ta peau comme passe une idylle. De Sarah Toussaint L'Éveillé. Il est présentement 18h32. Vous écoutez toujours Ève et Pandore sur les ondes de CKUT 90,3 FM. On est en compagnie toujours de Cato Fortin, avec qui on s'est entretenu un peu plus tôt sur sa démarche artistique et je dirais même politique, qui bouscule les tabous, les injonctions à la féminité. Donc, en préparation de cette émission, Laurence, Marianne et moi, on discutait de notre propre rapport aux déchets corporels qu'on appelait affectueusement nos dégueulasseries. Et on s'est demandé ce qu'on pensait des jeunes femmes qui sont vraiment à l'orée là, de l'âge adulte. Alors, en pleine période d'examen de fin de session, on s'est présenté au Cégep du Vieux-Montréal et il y a près d'une dizaine de personnes qui s'identifiaient comme femmes qui ont généreusement accepté de répondre à nos questions. Donc, je rappelle que le langage sera explicite et certains propos peuvent être considéré cru, là, pour le 10 segment. Voilà. Donc, c'est un petit échantillon très situé. On était dans une institution d'éducation postsecondaire à Montréal. Donc, évidemment, on n'aura pas toute l'ampleur de la diversité des opinions des femmes sur leur souillure, mais on aura peut-être quand même quelques lumières sur les expériences de certaines d'entre nous. Alors, Cato, on t'a invité à rester avec nous pour ce segment parce qu'on était curieuse d'avoir tes réactions à ce Vox Pop et aux différentes réponses là, que nous ont offertes ces femmes. Alors, peut-être pour mettre la table, Cato Fortin, peut-être, est-ce que tu pourrais nous dire rapidement là, à quoi réfère-t-on quand on parle de souillure? OK. Fait que souillure, c'est théorisé par Mary Douglas. Fait qu'on va rester encore là, dans le bas corporel. Mais tu sais, l'urine et le sperme feraient pas partie de la souillure. Les souillures, c'est ce qui va déterminer l'ordre. C'est les frontières de la société. Fait que c'est tout ce qui ne serait pas acceptable. Ça va souvent se limiter, en fait, aux menstruations. À peu près la souillure. Fait que c'est ce qui détermine ce qui est acceptable ou ce qui l'est pas, ce qui est dangereux. Puis on va parler beaucoup d'une ritualisation de la souillure. Fait qu'on va exclure les femmes ou les personnes qui seraient menstruées. On le voit moins ici, mais on va le voir quand on va dire à une femme « Ah, est-ce que t'es SPM? Est-ce que t'es menstruée? » Dans le fond, ça va être pour lui refuser la parole, lui la refuser comme sujet et la tasser, à l'extérieur de la conversation, mais aussi lui enlever, tu sais, tout pouvoir. OK. Parfait. Donc, ça veut dire que, comme on va l'entendre là, dans l'extrait qu'on va démarrer sous peu, on parle de souillure, mais on va aussi aller dans les déchets corporels, disons, peut-être plus acceptables. Donc, on écoute le premier extrait. À nos toilettes, la porte ouverte. Les menstruations. Suée. Rotée. Petite. C'est même pas drôle, sérieux. Moi, je m'en fous, là, sérieux, vraiment. Il y a pas de tabou, là. Moi, non. Je suis vraiment pas à l'aise. Je suis très... comment on dit ça? Genre, j'ai une pudeur par rapport à ça. Mais moi, je suis vraiment à l'aise avec tout ça, là. Je dirais, je suis pas une personne qui a de filtre dans la vie. Roter puis péter, je pense que c'est plus quelque chose que je fais dans mon intimité, entre guillemets, là. Moi, je le fais juste devant mes amis puis mon chum, là. Au niveau des comme la soeur, les menstruations, c'est pas des choses que, genre, qui me dérangent vraiment pas. Je suis full ouverte par rapport à ça. Mettons avec mon ex, genre, tu sais, comme lui, à un certain moment, il devenait plus à l'aise par rapport à ça, mais moi, j'ai, jamais été à l'aise, mais il attendait le moment, il était genre, j'attends le moment où est-ce que tu vas péter devant moi pour la première fois, c'est jamais arrivé, parce que j'étais pas assez à l'aise. Suer, péter, moi je m'en fous un peu devant lui. Anyway, lui, il s'en fout tellement, là. Au niveau des pets pis des rats, ben ça a comme toujours été dans mes valeurs familiales, de comme garder ça pour moi. Ben moi, ça, je rate tout le temps, là, je me retiens pas. Chez moi, ça me dérange pas, mais comme, avec des amis, j'étais un peu plus comme... Genre, je me retiens, là, un peu plus, puis en public, c'est sûr que j'essaie de pas le faire, là. Je suis quand même assez à l'aise de, tu sais, mes menstruations, genre, je m'en calisse, là, genre, j'ai le droit d'en parler, là, dans le sens où je suis dans ma semaine. Puis avec mes amis ou ma famille, je suis vraiment à l'aise de, comme, être la porte ouverte des affaires comme ça, ça dérange vraiment pas. Je pense qu'on devrait vraiment plus se laisser faire ça, parce que c'est comme des trucs naturels aussi, là. T'as pas besoin de te sentir moins féminine à cause de ça, là, on s'en fout. Vous avez peut-être remarqué, on a débuté l'extrait avec les quelques déchets, là, sueur, pète, menstruation, qui ont été nommés par les femmes, mais il faut dire que ça a été vraiment difficile de les faire nommer concrètement, ces choses-là ou les actions fonctionnelles du corps. Je sais pas qu'est-ce que ça t'évoque, Kat. Ben oui, mais c'est ça. Moi, ça me fait beaucoup rire ben, de penser à ce qu'on nomme pas. Tu sais, il y a personne qui va dire, ben, je chie. Je vais chier. On va pas parler de diarrhée. On va pas aussi nommer, bon, explicitement. On va parler de menstruation, mais on va dire, ah, les menstruations, ça me dérange pas. Fait que c'est parler de menstruation qui dérange pas. Mais est-ce que changer ton tampon devant quelqu'un, ça te dérange? Est-ce que tu vas vider ta divacop dans les toilettes publiques? Tu sais, il y a toutes ces choses-là, on reste vraiment en superficialité, là. On va toujours dire ça me dérange pas, ça va, je parlerai pas de ça. Puis je trouve ça vraiment drôle, mais je trouve ça aussi vraiment intéressant, là, de constater tout ce qu'on dit pas, puis tout ce que vous avez aussi essayé de leur faire dire, sans qu'elles se sentent, dans le fond, nécessairement la confiance ou la liberté de le faire. Tu sais, on a peur d'être vulgaire. On a peur de trop en faire, de trop en dire, d'en dire plus que les autres, peut-être. Tu sais, qu'il y a un décalage. Fait que je trouve ça cocasse. Mm-hmm. Ouais, puis c'est vrai qu'il a fallu faire un effort conscient pour comme ouvrir une relation de confiance avec les femmes qu'on a rencontrées, de justement les nommer, mm-hmm, les choses pour qu'on soit comme sur un pied d'égalité. C'est très particulier. Est-ce que c'est de faire ressortir? Mais ça me faisait un peu rire aussi que pour parler de elle, vous choisissiez de laisser la parole à quelqu'un d'autre alors que vous en aviez parlé entre vous avant. Ça fait qu'il y a un peu une tension là, entre ces choses-là que moi je trouve complètement intéressante. C'est clair, on a fait le choix conscient. Je me rappelle qu'on a parlé d'un vox pop. C'est comme on met clairement le fardeau sur les autres de parler d'un truc très personnel que nous on fera pas. Mais elles sont anonymisées. Tu fais bien de le souligner. Elles sont anonymisées, c'est pas fait. Donc spontanément, vous l'avez peut-être entendu, là, plusieurs ont évoqué leurs proches quand elles parlaient de la souillure, des déchets corporels. Donc on a voulu creuser un peu plus la question, puis on leur a justement demandé comment leur sentiment d'aise varie selon le niveau d'intimité des personnes avec qui elles sont. Plus tu connais la personne, puis plus qu'elle est à l'aise, ben tu vas plus te laisser aller. Puis ben c'est vraiment sa complicité avec les gens avec qui t'es. Ça me dérange pas vraiment, comme j'ai pas mal été élevée comme avec des gens comme ouverts, si on peut dire. À la maison, on ferme la porte, mais pour aller aux toilettes, mais roter puis péter à la maison, c'est correct là, mais en public non. Ben c'est sûr que des choses comme ça, je le fais seulement devant des gens que je connais, genre... Non, une personne, en fait, mon chum. Sinon, je ferais... Puis devant mes amis. Mais sinon, non. Comme chez mon père, comme... C'est vraiment n'importe quoi, là. Je peux faire ce que je veux, on s'en fout. Puis en plus, moi, dans la famille, c'est comme... Ma mère est comme arc, c'est dégueulasse. Genre, elle chiale tout le temps, fait que... Moi, je le fais juste devant mes amis puis mon chum, là. Même avec mes amies filles, genre, c'est juste que j'ai toujours une pudeur par rapport à ça. Ma mère, c'était un petit peu plus touchy en grandissant, mais comme maintenant, c'est pas... T'sais, on est chez nous, là, tant que je fais pas ça en public, disons. Tu sais, il y a des choses que je trouve qui sont un peu moins appropriées. fêté à job, mais je serais pas à toi être la porte ouverte des affaires comme ça. Mais sinon, je reste pas mal fidèle à moi-même. Moi, ce qui m'a frappée, c'est qu'on voit vraiment chez ces femmes-là le rôle central de la famille dans le rapport qu'elles entretiennent avec les déchets, la souillure. Oui, leur rapport à la pudeur est vraiment déterminé par l'éducation familiale, puis il semblerait encore plus par ce que lègue la mère sur le contrôle de l'image. Fait que c'est quasiment comme si le rapport de la mère à son propre corps va être celui qui va déterminer ce que la fille a le droit de faire ou pas. Fait que dans le fond, c'est ce que la mère accepte de son corps qui va déterminer ce que la fille a le droit de faire ou pas. Puis tu sais, c'est super... C'est contraignant, tu sais, parce qu'elle va prendre ses propres insécurités puis elle va les projeter sur son enfant, puis semblerait pas nécessairement sur les frères. Fait que c'est ça, comme tu le dis, il semble avoir comme un peu trois contextes pour les participantes pour vivre leur souillure ou leur déglacerie. Ça serait seul, avec l'entourage immédiat, avec partenaire, les chums, les amis de la famille, puis l'espace public, scolaire ou professionnel. Puis on dirait que pour la plupart, les conversations ne dépassent pas l'entourage immédiat, ou même juste l'acceptation là, ne dépasse pas l'entourage immédiat. Puis même là, tu sais, quand une des participantes dit « même avec mes amies filles », moi, c'est là que je trouve que, tu sais, qu'il y a un problème, puis que moi, ça m'attriste, tu sais. Si on peut pas en parler avec nos amies filles, si on peut pas partager puis apprendre des expériences des autres... Avec qui? Oui, avec qui? Ouais. C'est pas de sa faute, là, c'est... Qu'est-ce qu'on lui impose, mm-hmm. puis comment on contrôle, puis qu'on police son discours et son corps. Mm. On a voulu savoir si, selon elle, les déchets corporels féminins étaient autant acceptés ou tolérés que ceux des hommes. Ben, je pense pas. Aux yeux de la société, non. Moi, je trouve ça vraiment ridicule. Venant d'une famille qui est quand même assez traditionnaliste, je pense qu'un homme... ou rote dehors ou même chez lui, c'est plus bien... Mais c'est pas bien vu, mais c'est comme plus accepté, disons. Pour les hommes, c'est beaucoup plus accepté que pour les femmes, là. Je pense que ça va avec la tranche d'âge. Je pense que si tu regardes de plus en plus qu'on est jeune, je trouve que c'est moins en moins... C'est pas grave, mais je pense que si tu vas plus vivre, on dit « Ah, les femmes, ça devrait pas être comme ça, ça va avec l'éducation d'après moi, mais ça, c'est moi. » Oui, définitivement, les hommes, c'est beaucoup plus accepté. C'est véhiculé par la société que c'est moins grave. Ben, je pense socialement, c'est sur une femme, genre, comme, il y a des attentes vis-à-vis de, genre, comment elle devrait être. Mais comme pour moi, en tout cas, si que je vois ça, que ce soit un homme ou une femme, si je reste en public, et comme je la jugerais pas, mais comme ça serait un jeune homme, mettons. Vraiment pas. Genre, juste avec mes parents, mettons, mon beau-père, il va roter pis tout, pis ma mère, elle va rien dire. Mais moi, mettons, je vais faire un petit rote sans faire exprès, je vais dire, excuse-moi, pis là, elle va genre me dire, mon Dieu, les filles, faut pas que ça fasse ça, tu sais, ça se doit d'être plus classe ou whatever. Pis ici, bon, évidemment, la question portait sur la différence homme-femme, mais... tu nous parlais, là, Cato Fortin, en préparation d'émission, qu'il y a aussi une différence entre les femmes. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, la tension, c'est souvent entre d'avoir un corps fonctionnel puis d'avoir puis de séduire. Fait que c'est comme si la séduction puis la fonctionnalité du corps c'était mutuellement exclusif. Fait que si quelqu'un, une femme, une personne féminine n'est pas sexualisée, ben là, elle a le droit d'en parler. Fait que là, je vais dire des énormités là, mais c'est pas moi qui prescrit ça. Tu sais, souvent on va donner le droit aux grosses. On va pas les sexualiser. Elles ont pas de sexualité, c'est ça. Ce ne sont pas des objets sexuels. Fait qu'elles vont avoir le droit de roter puis de péter. On en voit là dans les émissions, tu sais, dans la culture pop. Oui, c'est ça. C'est des choses qu'on voit. Fait que les personnes grosses, elles peuvent parler de ça. Les personnes très âgées, les personnes qui ont une orientation sexuelle qui serait pas hétéro, fait que les femmes lesbiennes, les vieilles femmes, celles-là vont pouvoir parler de leur déjection, elles vont pouvoir roter, elles vont pouvoir péter, parce qu'elles sont pas l'objet de désir. Mais c'est aussi de désir masculin. De désir masculin, absolument, absolument. Mais c'est pas nécessairement un avantage, t'sais, parce qu'elles ont le droit de vouloir être aussi sexualisé, puis d'être aussi le sujet d'une sexualité, tu sais. Fait que c'est une double contrainte, là. Mm-hmm. Toutes les répondantes nous ont dit qu'elles constataient une différence entre les femmes et les hommes. Alors, on leur a demandé pourquoi cette différence existe-t-elle selon elle. Culturel, c'est vraiment l'éducation. Je pense que c'est la façon qu'on est élevé, là, tu sais, le ladylike, là, que genre, faut qu'on s'assoie bien, qu'on se parfume, puis qu'on sente bon, puis qu'on soit belle, puis toute propre. Parce que les filles, il faut qu'ils se fassent désirer, puis c'est pas elles qui doivent aller à la chasse, si on peut dire, donc elles se doivent d'attendre. Puis si, ben, comme ils sont pas désirables, font des choses comme ça, ben, il y a personne qui va venir les voir, là, fait que c'est pour ça. Je pense que les femmes, comme, on s'attend plus d'elles qu'elles soient comme clean, puis genre, les hommes qui pensent pas genre que les femmes chient eux autres aussi. Une femme, c'est plus délicate, on doit se prendre soin de nous-mêmes, puis qu'on ne doit pas trop montrer ce genre de mauvaise côté de nous-mêmes, surtout en public. Ça a toujours été stéréotypé que les femmes sont plus coquettes, puis les femmes doivent prendre soin de leur image, doivent être jolies, tandis qu'eux, ben, on s'en calisse. Je sais pas, là, comment expliquer, c'est juste qu'ils n'ont pas de temps, à part leur style vestimentaire, ils n'ont pas de temps à faire attention à leur soin pour leur image. Les gars, genre, j'ai l'impression que, comme, ils grandissent plus dans un environnement où, tu sais, genre, souvent, comme, les gars, ils vont jouer dehors, ils vont salir, tout ça. Les filles, ils vont souvent rester à la maison, vont jouer avec leurs jouets, pis tout ça. Dans les images qu'on a aussi à la télévision, là, c'est souvent comme les gros monons qui rotipètent, puis les femmes sont supposées être toutes propres, puis les filles font pas caca quand on est petit, là, ou des trucs comme ça. Ouais, j'ai l'impression comme que les femmes, on s'attend d'elles qu'elles fassent pas ce genre de choses-là. Tu sais, je dis pas qu'un homme serait pas call-out s'il le faisait, là, mais je pense que comme on donne un peu plus de liberté à ce genre de comportement-là chez les hommes. J'ai l'impression que les gens pensent que c'est comme dans leur nature un petit peu, là. Mais c'est ça, je pense que c'est vraiment la façon qu'on est élevé puis ce qu'on attend de nous en tant que femme versus en tant qu'homme. Cato Fortin, est-ce que tu partages leur conclusion? Ben oui, évidemment. Fait que c'est pas juste une attente, c'est une exigence. Si les femmes transgressent ces règles-là, elles sont punies. Que ce soit par des regards, par des remarques, par des rappels à l'ordre, carrément, là, que ce soit au travail, à la maison ou à l'école. Puis il faut dire, bon, si on approche ça d'une façon plus intersectionnelle, que ces choses-là touchent encore plus les femmes trans puis les femmes de couleur, les premières à qui on va demander de performer la féminité à fond pour prouver le plus possible qu'elles sont des vraies filles, peu importe ce que ça veut dire, ce qui est absolument réducteur. Elles doivent se raser plus, elles doivent montrer vraiment une féminité parfaite pour qu'on leur accorde une crédibilité si on leur accorde, ce qui est totalement dégueulasse. Puis les femmes de couleur aussi, qui, si transgressent les règles de la pudeur ou de l'hygiène, vont être jugées beaucoup plus durement que les femmes blanches. On pourrait aller... tu sais, les femmes blanches, on peut des fois les qualifier de quirky. Ah, elle se lave pas, mais tu sais, c'est une hippie. C'est pas pareil, tu sais. Mais si une femme de couleur le fait, mais là, ça va être associé à des comportements d'animalité, à une difficulté d'adaptation. On va les exotiser ou les antagoniser. Ça va être vécu de façon vraiment plus répressive. OK, je comprends. Finalement, bon, nos cœurs féministes ne pouvaient pas s'empêcher de demander aux personnes qu'on a interrogées, là, est-ce que ça vous dérange qu'il y ait une différence dans le traitement de la souillure féminine et masculine? On écoute. Moi, ça me gosse vraiment parce que je me considère féministe. Selon moi, c'est pas équivalent là, comme des droits. Là. Ben, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui m'affecte comme au quotidien, mais juste par rapport, mettons, le tabou par rapport aux menstruations, ben ça, je trouve que c'est quelque chose de dérangeant. Puis je pense que c'est quelque chose que 50% de la population mondiale a, puis ça devrait vraiment être plus accepté. Ça, en vrai, ça me gosse, là. Genre ces stéréotypes-là. Ben ouais, là, sûr, c'est gossant, là. Ben comme j'en fais un peu. Non, parce que ça change, là. C'est pas une différence vraiment qui me frappe, là, je trouve, là. Moi, ça me dérange pas. Si tu trouves que c'est dégueulasse, ben, gars, c'est ton problème, pas le mien. Même la sueur, c'est vraiment... Ça devrait être juste normalisé, là, tout le monde suit. C'est ça. Mais j'ai toujours été élevée comme ne pas faire ça en public, fait que je me sens pas comme un genre de contrainte. Mais je vois qu'ici, c'est vraiment beaucoup plus ouvert, donc on peut faire ça en public. Donc, pour les femmes qui sont... plus ouverte à ça. Je pense que c'est comme un genre de clôture qui les rend fermes à ne pas faire ça en public, alors qu'ils peuvent tout aussi faire ça qu'un homme. Ben honnêtement, oui, mais c'est juste que, tu sais, genre, je suis pas bien placée pour dire ça parce que, justement, moi, je suis pas à l'aise. Mais pour les gens qui tu sais, ils sont à l'aise et que ça leur dérangerait pas, ils devraient pas avoir de différence. Si je restais solidaire, ben je dirais que c'est une chose qui devrait être vue également d'un homme ou d'une femme. Qu'est-ce que tu conclus de ce vox pop-là en terminant, Cato? Ben, je pense qu'on a tout à gagner là, à tester les limites de nos pudeurs. Là. Je pense que ce mystère-là, le fait qu'on n'en parle pas, ben, ça nuit à notre plaisir sexuel, ça nuit à notre santé, ça nuit à notre sécurité. Puis je pense qu'on passe à côté de plein de bonnes blagues aussi, t'sais, qu'on mérite de se partager. Tout à fait. Puis en terminant, j'aimerais aussi peut-être ajouter que tout ce dont on a parlé dans cette émission, c'était vraiment culturellement situé. Tu sais, on est en Occident, donc évidemment, les normes dont on a parlé ne sont pas universelles. Donc, si jamais on veut pousser le sujet, mais je pense que ça serait intéressant d'aller voir ailleurs aussi quelles sont les constructions au niveau de la féminité, les injonctions à la féminité, le rapport au déchet corporel. Peut-être que c'est moins ou plus rigide. Je pense que ça vaudrait la peine d'explorer ça. Alors, un grand merci, Cato Fortin, pour tes lumières. C'était intéressant de recueillir le pouls de jeunes femmes sur le sujet, mais d'autant plus parce que tu étais là et tes analyses, ça nous a permis vraiment comme de les mettre en contexte puis d'approfondir la réflexion sur notre rapport complexe ou le rapport complexe qu'on entretient, je pense, collectivement avec les corps féminins, les fonctionnalités puis les déchets de tous ces corps. Alors, quel plaisir de t'avoir eu avec nous pour l'entièreté de l'émission. Merci pour ta générosité et ton temps. Pour celles et ceux qui souhaitent lire tes textes, on peut, tu l'as mentionné, mais je le rappelle, on peut te trouver dans Gérer le vide, le troisième numéro de Fémicile avec le papier Fille vicieuse, dont on a entendu, si je ne me trompe pas, un extrait tantôt. Surveillez aussi la sortie de Ladies Night Parade dans le 163e numéro de Mobius, qui paraîtra cet automne, de même que La nécessité de déplier son sexe dans Grenade et De fille en fille, lecture de José Yvon, qui fera partie de l'ouvrage collectif Contemporanéité poétique au Québec. Tous ces deux textes-là seront publiés d'ici les premiers mois de 2020. Alors, merci beaucoup. Je mentionnerai également que si vous avez mis la musique des Vox Pop, c'est l'artiste Bonobo. Et on poursuit. Dragonroot Radio is a feminist media collective that aims to produce anti-oppressive media with a gender justice perspective. We've been bringing you equity-powered media for the last 7 years on the Tuesday morning after, and now we're moving to a new programming time. Starting July 29, every second and fourth Monday, 7 to 8 p.m. on CKUT 90.3 FM. Tune in for interviews with community activists, artists, panel discussions, and more. Presque 19h. Voilà ce qui met fin à l'édition du 24 juillet 2019 d'Ave Pandore. J'espère que ça vous a plu autant qu'à nous. Je remercie d'abord toutes les femmes qui ont contribué à l'émission de ce soir. Merci encore à Cato Fortin qui a été vraiment notre pilier pour cette édition. Un grand merci à toutes celles qui ont accepté de s'ouvrir à des inconnus et de participer à notre Vox Pop sur les déchets corporels féminins. On a eu beaucoup de plaisir à parler de pète, de sueur, de merde, puis de sang menstruel avec vous. Finalement, je remercie mes consoeurs avec qui j'ai préparé l'émission, Marianne Théberge qui a réalisé l'entrevue avec Cato Fortin, de même que Laurence Morin à la mise en son, qui est rendue une vraie pro. Mon nom est Audrey Gosselin-Pellerin, c'est moi qui tenais la barre de l'animation pour cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner à Ève et Pandore dans votre application de podcast préférée pour écouter nos anciens segments et surtout nos futurs reportages. Les émissions d'Ève et Pandore sont également archivées pendant 3 mois sur le site CKUT KUT.ca et pour l'éternité ou presque sur Mixcloud. Pour tous les détails sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou si vous désirez commenter l'émission, communiquez avec nous sur la page Facebook TV Pandore. On se quitte sur Samara de Rokia Traoré, qui est une autrice, compositrice, interprète et une guitariste malienne qui, dans la pièce que vous entendrez, leur rend hommage à toutes les femmes africaine. D'ailleurs, dans quelques secondes, Amala suivra. Evie Pandore sera de retour sur les ondes de CKUT 90,3 FM le 23 octobre prochain. Mettez ça à vos agendas. On se dit donc à bientôt. Merci d'avoir été des nôtres. On a déjà hâte de vous retrouver. Saramani muso dambe mani muso kende bamako mbaka kene muso ni gipur muso ni mini dona bamako aliyenye nate masini sogoya aliyele nyinte masinye lagoya Every day dressed like a queen In blue, red, yellow dresses Women in Bamako are beautiful Oh, Mali Muso, I miss your smile When I hear your laughter Soro musola Mali muso damma chukane Nema dan soro muloba ola Farafina muso saraba ola Neve folibila muso ye Oh muso ya Akuma fubaka chande Oh muso ya Awele keba manchanga Sebe alae barabe monso bolu Chemana nyafuruso muso Chemana tinyafuruso muso Demana nyawoloba muso Demana tinyawoloba muso Mbana bau, fama bau ninalomone Banabato woloba gani uladomba Every day they face their destiny Shirtless, barefoot, under the sun Women in Africa are strong Oh, Farafina Muso, I miss your smile I wanna hear your laughter I admire the courage you face your destiny with. Oh, Farafina Muso, I miss your smile. I wanna hear your laughter. My inspiration is drawn from you. Can do. I want it to be a tribute to you. Mm-hmm. Oh, Farafina Muso, I miss your smile.